Bourré trois temps, Jean Chabosit, Tauve. Allons aux bonnes lettres, allons au bois. Allons aux bonnes lettres, allons au bois. Cueillir des noix, des noisettes, cueillir des noisettes dans le bois. Cueillir des noisettes, cueillir des noix, des noisettes dans le bois.